Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a adressé le 27 juin un message de félicitations au président du Congo démocratique, Joseph Kabila Kabange, à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Le destinataire s'est montré convaincu que le gouvernement et le peuple congolais remporteront grand succès dans la cause juste pour sauvegarder fermement la souveraineté du pays en repoussant les empêchements des forces extérieures sous la direction du président et que les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se développeront toujours.